On a chargé les sacs dans la nuit tard le soir. Tombe sur nos bras, on descend le boulevard. Ça pique grave au bureau, la paix suffit pas. On fait des heures sup, on est payé au poids. On a chargé les sacs dans la nuit tard le soir. Tombe sur nos bras, on descend le boulevard. Ça pique grave au bureau, la paix suffit pas. On fait des heures sup, on est payé au poids. On a chargé les sacs dans la nuit tard le soir. Tombe sur nos bras, on descend le boulevard. Ça pique grave au bureau, la paix suffit pas. On fait des heures sup, on est payé au poids. Bienvenue dans le réseau. Avec le noir et le fagnon. Quand je devrais prendre ce qui m'est dû, je ne poserai pas de questions. Appelle-moi le you-you. Le couche ou le blédard. On a le 9000 facile. Bang bang bang bang. Calage bien Yougoslav. Ta seule vie. Non, je n'ai pas droit à l'erreur. J'ai des gosses à nourrir. Je vais pas jouer les petits poseurs. Dimmer, taser. Appelle-moi le doseur. K-double-EP. L'homme de ton secteur. Ma tribu n'a pas de couleur. Un seul but qui réunit. Réussir, faire la maille. Mettre la mifa, l'abri. La pierre de ma patrie. Mes soldats sont de la partie. L'honneur chez un Albanais. Le KB te l'a bien dit. Bien dit. On a chargé les sacs dans la nuit tard le soir. Tombe sur nos bras, on descend le boulevard. Ça pique grave au bureau, la paix suffit pas. On fait des heures sup, on est payé au poids. On a chargé les sacs dans la nuit tard le soir. Tombe sur nos bras, on descend le boulevard. Ça pique grave au bureau, la paix suffit pas. On fait des heures sup, on est payé au poids. Fuck Schurken, wir haben Geld gemacht und wollen mehr davon, selten und zwar. Das Spiel mit den Packets. Auf der Straße geht dealen oder battlen. Vergiss mal rappen, ich spitz zwar Texte und vernicht die Hälfte, aber bin schwer beschäftigt. Unser Leben ist hektisch. Und wir voll auf Slow-Mo mit Keepman auf Trap-Shit. Connection Brüssel, es fallen Schüsse. Sprich bis an die Küste, kusch das süchtig. Mach die Gerüchte, Küche brodelt und treibt den Preis nach oben. Ah, fuck it, alles passt. Alles nur Palaba, von den Kachpas trägt keiner Naka. Ich bin Kosovo-Albaner, mach mal nicht so Drama. Ich weiß, wie hoch die Zahl war, du Null. On a chargé les sacs dans la nuit tard le soir. Tombe sur nos bras, on descend le boulevard. Ça pique grave au bureau, la paix suffit pas. On fait des heures sup, on est payé au poids. On a chargé les sacs dans la nuit tard le soir. Tombe sur nos bras, on descend le boulevard. Ça pique grave au bureau, la paix suffit pas. On fait des heures sup, on est payé au poids. Thank you.